35. Observation. Promener son chien. Se promener. 1. Tante Georgette promène Fido. Elle le promène. 2. Tante Georgette promène Tante Georgette. Elle se promène. 3. Marie-Laure habille sa poupée. Elle l'habille. 4. Marie-Laure habille Marie-Laure. Elle s'habille. Dans les phrases 1 et 3, l'objet, Fido, sa poupée, est différent du sujet, Tante Georgette, Marie-Laure. Dans les phrases 2 et 4, l'objet, Tante Georgette, Marie-Laure, est le même que le sujet, Tante Georgette, Marie-Laure. Vous remarquez que dans ce cas, on utilise un pronom particulier, ce, ou s'apostrophe. On appelle ce pronom un pronom réfléchi, parce que l'action du verbe est réfléchie sur le sujet. Ce est l'objet du verbe, mais il représente aussi le sujet.